il était une fois une île. Pour moi, je le pense comme ça. C'est à la fois le conte de fées qui commence par il était une fois, comme tous les contes de fées. Et puis un paysage superbe, merveilleux, béni des dieux, avec des gens beaux, faits pour vivre dans la beauté, des Indiens Arawak, quelques Caraïbes qui venaient des îles voisines, la Martinique, la Guadeloupe. Ils étaient un petit peu plus guerriers, mais je pense que leur désir d'aller à Saint-Domingue, c'était justement pour s'assagir et devenir un peu paysan, un peu planteur, un peu calme. Donc c'est un peuple qui vivait plutôt de la chasse, qui vivait de la pêche, mais et qui avait des jeux, des danses. Mais d'une manière générale, il vivait un peu en communauté. Il cultivait la terre d'une manière un peu originale, avec des petites buttes. Et il faisait de la cassave, il faisait du mabi comme boisson. Et leurs mœurs vraiment étaient des mœurs paisibles et familiales et amicales. Donc on ne peut vraiment pas parler d'un peuple belliqueux. Ils ont organisé leur vie, réparti le territoire en caciques, avec des caciques qui avaient des noms éclatants, Boetio, Guarionès, Guacanagaric, etc. Et puis la reine Anacaona, dont tout le monde vantait les charmes. Il paraît qu'elle était très belle, qu'elle maniait la poésie à merveille, et qu'elle chantait, qu'elle écrivait des areitos, qui, d'après ce que l'on m'a expliqué, étaient des espèces de vers assonancés, rythmés, qui étaient très beaux parce qu'elle s'accompagnait d'une musique aussi, pour les dire. Donc tout ça, c'était le cadre rêvé, quoi. Ces gens étaient heureux sur une aire de terre montagneuse, avec plusieurs noms. Kiskeya, Haïti, avec A-Y, Boyo, etc. Les Indiens avaient vraiment atteint un degré et de développement artistique et que l'on peut retrouver dans les poteries. On a trouvé pas mal de sites indiens. Et dans ces sites, on a retrouvé des poteries. Et ces poteries sont vraiment très bien travaillées avec des dessins réguliers et faits à la main. Et dans certaines grottes, on peut voir que quand le soleil, par exemple, arrive à midi, Et à telle position, c'est le solstice d'été. Donc, ce n'était pas des construits n'importe comment. C'était parce qu'il y avait quelque chose de scientifique dans la manière même de faire les grottes. Donc, ce n'était pas un peuple inculte, ce n'était pas un peuple sauvage, comme on a voulu le faire croire. C'était un peuple cultivé et qui avait une hiérarchie. Le cacique était quand même un père, ce n'était pas un dictateur. Et il vivait vraiment en communauté, mais dans une communauté fraternelle. Et on pouvait croire qu'un tel lieu de délices allait pouvoir le demeurer éternellement. Et c'est là que le destin a joué tragiquement. Sur nous, sur le pays, sur les êtres, sur ces populations indiennes qui n'en méritaient pas tant, les pauvres, de rencontrer Christophe Colomb et sa suite. Donc à l'arrivée de Colomb, on peut dire qu'ils ont accueilli les Espagnols aimablement. Ils ont offert leurs terres, même pour la construction du fort de la Nativité. Donc ne se sont pas attaqués aux Espagnols, ils ont pensé vivre. Ils ont même plutôt pensé que c'était le ciel qui leur envoyait des personnes pour les protéger des Caraïbes. Donc ils ont été extrêmement aimables avec les Espagnols. Il faut dire que Colomb, au moment où il devait repartir pour l'Espagne, avait recommandé aux Espagnols qu'il laissait dans la colonie de bien traiter ce peuple aimable et doux. Au fait, il avait plutôt envisagé d'arriver à une espèce d'implantation d'Espagnols dans l'île, non pas comme pour les utiliser comme esclaves, mais vraiment avec un peu d'amitié. Malheureusement, il y avait de l'or. Ils ont remarqué que tout ce qui se faisait dans l'île, c'était de l'or pur. De l'or frappé, de l'or travaillé, de l'or repoussé, jusqu'au moindre gobelet, jusqu'à la moindre assiette était un or massif. Donc ces Indiens d'Haïti ont été vraiment asservis et à mener une vie de travail, même sous un soleil ardent, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler aux heures chaudes. Et sous le soleil. Donc ça a été et très vite l'extermination de ces Indiens d'Haïti. Et la vie était devenue tellement dure et pour eux qu'ils préféraient même sacrifier leurs enfants. Il y en a qui les noyaient. Donc ce n'était plus pour eux un plaisir de vivre. Cependant, on doit dire que dès le départ, et sur le sol d'Haïti, on a lutté pour la liberté et pour les droits de l'homme. Le premier combat a été le grand combat de la Vega Real, où il y a évidemment tous les Indiens ont été exterminés, puisqu'ils n'avaient que des arcs et des flèches, alors que les Espagnols avaient des chevaux et des armes à feu. Caonabo s'était retranché dans son cacica. Mais les Espagnols ont usé de ruses pour attraper Caonabo et le faire prisonnier. Et ils ont raconté qu'on l'emmenait voir et Christophe Colomb pour régler aimablement le problème avec lui. Et on lui a mis des menottes en lui faisant croire que c'était des instruments d'honneur en Espagne. Et c'est ainsi qu'on lui a mis les menottes, qu'on l'a pris à cheval et au Jeddah, l'a emmené captif, on l'a embarqué à bord d'un navire qui a fait naufrage. Donc Anacaona a été maintenant héritière du cacica du Xaragua. Et là, elle a pensé, et je crois qu'il fallait essayer de traiter avec les Espagnols d'une autre manière. Et elle a invité au Vando à venir à une fête. Donc les Indiens ont mis leurs plus beaux atours, ils ont organisé de belles fêtes. Elle est arrivée et vraiment avec ses colliers de fleurs et on chantait les aretos qu'avait composé même la reine Anacaona. Mais à un signal d'Ovando, il a porté sa main à une croix, c'était le signal, et tous les Espagnols se sont jetés sur les Indiens et les ont massacrés. Et ils ont pris la reine Anacaona qu'ils ont pendue. Il y a eu des massacres importants et il y a eu aussi des épidémies terribles parce que quand les Européens ont débarqué, ils ont débarqué avec des maladies qui étaient inconnues en Amérique et ça a créé des épidémies effroyables. Ils sont morts tous comme des mouches. Et quand les Espagnols se sont retrouvés devant toute cette besogne à abattre et plus personne pour la faire. Alors des voix se sont élevées, des voix éparses. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui on va remplacer ces pauvres Indiens? Eh bien, on a pensé les remplacer avec des non moins pauvres nègres d'Afrique. Et À ce moment-là a commencé la longue saignée, comme dirait René Lepestre, dans la végétation de clarté de mon peuple, du peuple noir. Voilà toute l'histoire. Elle est simple, mais elle est tragique. Elle est horriblement tragique.